dans la prochaine édition d'Assemblage Requis. Je vous parle de mon coup de cœur de la semaine dans la chronique Ton plat favori. Moi, je vous parle de notre sujet geek dans la chronique technologique CNX. Et sans oublier les spectacles qui s'en viennent cette semaine. C'est à Assemblage Requis, jeudi 15h ou samedi 16h.